job, faut que je fasse mes paiements. Amener ma blonde au restaurant, puis checker les numéros gagnants. Un banlieue, comme moi, un job, je vais payer le loyer du mois passé. Je vais brancher le téléphone, les collecteurs vont pouvoir me retrouver. Puis si jamais tu me donnes une job, tu me verras à l'église, à genoux devant le curé. Banlieue, laisse-moi pas tomber. Banlieue, donne-moi une job, quand t'as commencé en bas de l'échelle. Je suis pas pire avec les chiffres, puis je sais me servir de ma cervelle. Banlieue, donne-moi une job, puis je te jure que je vais me caser. Je vais me lever tôt tous les matins, puis je t'en promets d'arrêter de chialer. Puis si jamais tu me donnes une job, tu me reverras à l'église, à genoux devant le curé. Banlieue, laisse-moi pas tomber. Avec le public, je suis bon vendeur, j'arrive à l'heure, puis je bois moins qu'un alcoolique. Banlieue, donne-moi un job, je suis prêt à bûcher comme un viet. Il faut que je fasse de quoi de moi, je t'en ai d'attendre après mon chèque. Puis si jamais tu me donnes un job, tu me verras à l'église, à genoux devant le curé. Banlieue, laisse-moi pas tomber. Banlieue, donne-moi un job, n'importe laquelle ferait mon affaire, n'importe où, n'importe quand, pour me sortir de mon calvaire. Banlieue, donne-moi un job, j'envoie mon CV à Saint-Pierre. Parlez-y de moi si vous voulez un pourcentage sur mon salaire. Puis si jamais tu me donnes un job, tu me verras à l'église, à genoux devant le curé. Banlieue, laisse-moi pas tomber. Tomber.